Début des années 80, on commençait déjà à jouer dans la tête des enfants avec de la propagande subtile. Puis, tu avais des dessins animés où tu avais des gentils qui étaient pour la sauvegarde de l'environnement, puis tu avais des méchants. Comme tu as eu des. C'était vraiment de la merde, ces séries-là. C'était toujours très peu intelligent, c'est sûr, c'est des œuvres de commande, puis c'est. Fait que t'avais Capitaine Planète, puis t'avais les Touffe-Touffe et les Pollueurs. Puis là-dedans, le méchant, pourquoi il pollue? Pour polluer, parce qu'il est méchant. Puis les enfants accrochaient pas à ces affaires-là. Je connais personne qui a trouvé ça bon, ces affaires-là. Pourquoi? Parce que ça se tient pas. Parce que la réalité, c'est pas de même. Ça a été fait pour jouer dans la tête des enfants. Ben, c'est pour Tu les sais. programmer en bas âge à adhérer plus tard à l'agenda écologique pour se soumettre à des Oui. règles qui, Mais sans ce aussi à adhérer conditionnement, à l'altérité que celui-là qui n'est pas d'accord, il est méchant. ben oui. Puis il est méchant pourquoi? Parce qu'il est méchant. C'est presque métaphysique, là. Ben, Ça c'est se un. tient pas debout. Ouais. Il est où le mobile? Ah, moi, je décide que je pollue car je déteste cet air sain et propre. J'aime la couleur du pétrole. Je veux remplir les eaux de pétrole. C'est pas des. Tu peux pas faire des personnages psychologiquement qui se tiennent de même. Puis, parce que ça se tient pas psychologiquement, tu fais de cet être-là un être auquel tu peux pas avoir d'empathie ni d'identification. Donc, après, du monde programmé de même, tu leur dis, ben, eux autres, ils polluent parce que c'est des fous, puis ils sont méchants, puis ils haïssent l'humanité. Puis là, le monde, ils vont croire ça. Puis, ils iront pas plus loin que de se rendre compte, ben non, ça n'a pas de bon sens. Ça se tient pas debout parce qu'ils sont déjà programmés à pas avoir d'empathie, Ben, c'est ça, à ils sont programmés pour anesthésier l'esprit critique. ben là, tu sais, Mais. ça marche pas à un moment donné. C'est comme on voit ça dans la dans le judaïsme, certains aspects métaphysiques un peu philosophiques. Quand que tu arrives à la cause des causes, c'est-à-dire que la cause est la cause elle-même, c'est parce que tu es rendu dans le divin. Comme par exemple, la raison que l'être humain a une volonté, c'est parce que Dieu a eu la volonté de donner la volonté à l'humain. Mais une fois que tu arrives à Dieu, Oui. au niveau comme les Juifs, ils vont dire, c'est quoi la cause de la volonté de Dieu? La cause de la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est des voiles. Ça, c'est des voiles, puis c'est des blocages. Total, c'est total. C'est vraiment des blocages. Fait que, si tu rentres dans la tête des enfants, il y a du monde qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Là, tu viens de les entrer dans une métaphysique, puis c'est pas réel, là. Là, ils vont être dans un monde polarisé où tout a l'air logique, tout a l'air de se tenir, mais dans le fond, ça fait totalement délirant. C'est délirant. C'est vraiment délirant. Il n'y a personne qui pollue pour polluer. Les gens ne sont pas méchants parce qu'ils sont méchants, tout simplement. Je veux dire, c'est pas demain que ça marche. Il y a tout le temps des causes plus profondes. Mais on était conditionné à. Dans le fond, c'est de l'induction. Puis, à chaque fois que tu induis un état, ça va tout le temps être une distorsion cognitive, dans le fond, qui va en résulter, parce que c'est une distorsion. C'est une distorsion de la Oui, perception dans le normale. sens que tu amènes les gens à avoir une vision polarisée. Ben oui, puis qui va tout le temps dans une logique qui a l'air de se tenir. Tant que tu restes dans cette logique-là. Dès que t'en sors, ça marche plus. C'est sûr, quand tu fais éclater de la forme de la construction Voilà. intellectuelle puis de la programmation sociale. Quand un élève demande au rabbin c'est quoi la cause de la volonté de Dieu, puis que le rabbin répond, ben. Dieu est absolu, donc la volonté de Dieu, la cause, c'est la volonté de Dieu. Pour l'élève, pour le rabbin, ça se tient. Mais si tu sors du judaïsme, ça ne marche plus, là. C'est comme le problème avec l'écologie qu'on nous vend, puis que je dirais qu'on nous rentre de force dans la tête, Oui. c'est que dès que tu en sors un petit peu, ça ne se tient plus. C'est comme une doctrine. Faut que tu restes dedans pour que ça reste logique. Dès que tu t'en sors un petit peu, dès que tu te poses des questions, dès que tu es un petit peu critique, ça se tient plus, ça s'effondre.